بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فاليوم سيكون هو الدرس الأخير من كتاب تقريب التدمورية إن شاء الله تعالى. في الذي سيذكر بعض الأصول تتعلق ب الأمر والقدر، وكذلك الكلام في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. Le croyant est obligatoire d'accomplir les obligations, de délaisser les interdits et de patienter sur ce qui était prédestiné. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والله dans le sens il dit que au croyant de patienter et de continuer sur la droiture et de craindre Allah afin de réussir. Al Imran verset 200. Le معنى. وقال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Que celui qui craint et qui patiente, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. وقال يوسف verset 90. وقال الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Parce que Luqman il a dit à son fils: oh mon cher enfant, accomplis la salat et ordonne le convenable et interdit le blâmable et patiente sur ce qui va t'atteindre, car cela fait partie de la détermination. وكذا وكذلك قال: ومأمور في جانب التوعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى également dans l'adoration il lui est obligatoire de faire preuve d'ikhlas et de faire l'istighfar à la fin des actes. قال عز وجل: فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Et sache qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Il demande le pardon pour tes péchés ainsi que pour les croyants et les croyantes. Mohammed, verset 19. وقال عز وجل: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه. Qu'il a dit: de n'adorer que Allah. Je suis pour vous, certes, un annonciateur et un avertisseur. Et de demander pardon à votre Seigneur et ensuite de vous repentir à lui. Sourate Hud, verset 3 à 2. Et Mab al-Faïda, Ibn Qayyim, il a dit que l'istighfar wa tawba, ils iftaraka, qui est l'ahuma li ma'na wahid. Si un est cité, il a que le sens des deux. Tawba et istighfar, ils ont le même sens. Et si jamais ils sont cités ensemble, l'istighfar est plus lié aux actes déjà passés et la tawba pour ce qui est à venir. Là, il dit: wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. De demander pardon à votre Seigneur, ensuite de vous repentir à lui. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم: ô vous les gens, s'adressant aux mu'minines bien sûr, repentez-vous auprès de votre Seigneur, car moi j'ai fait tauba auprès de lui tous les jours 100 fois. وغير ذلك من الأدلة على هذا. قال: والجامع لهذا أنه لابد في الأمر من أصلين ولابد في القدر من أصلين. Donc après qu'on ait su ce qui est obligatoire aux croyants dans le fait d'accomplir les obligations, de délaisser les interdictions et d'être mukhlis dans ce qu'il fait, de faire les stirfars après les actes, il a dit que là il y a encore deux osles qui sont liés au amr, à l'ordre, aux obligations, et deux osles qui sont liés au qadar. Ça fait quatre en tout, mais deux dans chaque bab. Là il va les citer. أما الأصلان في الأمر فهما dans l'amr, dans l'ordonnance, quels sont ces deux أصل? Il dit أصل قبل العمل أو مقارن له. Donc une base qui elle est a lieu avant l'acte ou qui va avec en même temps simultanément. L'ijtihad, dans le fait d'obéir à ce qu'Allah a ordonné. Tamam. avec science et dans les œuvres. Imtithalan. C'est-à-dire quoi, imtithalan? En cherchant la récompense. Pas en faisant l'acte comme ça, vainement. Quand tu fais l'acte, t'as une niya. Car des fois, des gens peuvent faire des actes d'adoration, mais sans niya, ils n'ont tiré aucune récompense. Même l'acte, il est invalide. Mais c'est l'ozo. Quelqu'un qui fait l'ozo, il ne fait pas une niya de tahara. Juste, il veut se rafraîchir. Par la suite, il fait salat, il n'est pas tahir. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aime pas les actes ne valent que par l'intention. Donc, l'intention dans les adorations, elle est obligatoire. Donc là, le abd doit faire l'ijtihad dans le ilm. Toucher à Allah en ses noms, en ses sifat, en ses règles. Et ensuite, il applique tout ce que inclut ses connaissances. Car il y croit. On a dit les akhbar, comme on y fait face, en les croyant. Tazdiq. Et l'œuvre, les amal, on les applique selon les arkam, selon les règles. Et également, il délaisse les interdits. Tout cela avec science. Ce que tu fais, c'est avec science. Quand tu fais une chose, tu sais pourquoi tu l'as fait. Et si tu ne la fais pas, tu sais pourquoi tu ne la fais pas. Ça, c'est le premier asl dans l'amr. Wa thani, asl ba'd al-amal, qui a lieu après l'amal. C'est quoi l'istighfar? Wa tawba. De quelle chose? Du tafrit, la négligence. Ou ta'addi, le fait d'avoir enfreint. C'est pour cela qu'il est, mathalan, mashuru, après avoir fait un acte, de faire l'istighfar. Comme a dit Azza wa Jal, wa al-mustaghfirina bil ashar. Ce qui me pardon, avant l'aube, surat al-Imran. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finissait la salat, il faisait l'istighfar trois fois. Azza ma'louf. Wa fi akhir surah, nuzilat alayhi, dernière surat qui lui était révélée, qui est surat al-Nasr, on en avait parlé il y a quelques jours. Il disait, j'ai un nasr Allah wa al-fatr, wa ra'ayta al-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Qu'est-ce qu'il faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la fin? Il répétait beaucoup Subhanallah Rabbana wa bihamdik Allahumma aghfir li. Parce qu'il savait que son heure était proche. Il savait que son heure était proche. Donc beaucoup de tawbah. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam min khususiyatihi anhu ghufir lahu ma taqaddam bi dhanbihi. Ce qu'il a fait auparavant, ce qu'il fera par la suite. Malgré cela, pour nous enseigner l'istighfar, il le faisait beaucoup. Donc toi, maintenant, tu apprends que la salade, comme dans Kafarat al-Majlis, après que tu as fait un majlis de ilm, tu es parlé, tu as le kalam à dire Subhanaka wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilay, ghayr dhalika. Et après chaque œuvre de bien que tu fais, il est machelour, tu fasses l'istighfar. Donc ça, selon les deux asl dans le Amr. Ceux qui ont lieu avant le Amr, l'ijtihad, dans la connaissance, et l'application, légiférée. Deuxième asl, après l'acte, l'istighfar. Qala wa amma al-asl fi al-qadar fa huma. Maintenant, les deux asl qui sont liés au qadar. Qala awalan al-isti'ana billahi azza wa jal. Et cela avant le Makdour, avant que ne t'attienne la chose. Avant que tu sois atteint par la chose, qu'est-ce que tu fais l'isti'ana billah? Tu recherches de l'aide auprès d'Allah. L'isti'adha, tu recherches refuge. Les du'as que tu fais, rahbatan wa rahba, par convoitise et par peur. Et tu fais pour le tawakkul, tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour pouvoir obtenir ce que tu désires et repousser le mal. Donc ça c'est la première chose, tu te prépares en fait. Wa thani, بعد المقدور, après que la chose prédestinée n'ait eu lieu, c'est as-sabr ala al-maqdur. Tu patientes, tu endures. Dans ce qui, مثلا, ce qui t'a échappé, que tu voulais, tu n'as pas eu, ou ce que tu ne voulais pas qui t'a atteint, tu fais preuve de patience. Comme a dit le hadith, لَكَ تَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَبَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُرْتِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ يُصِيبَكَ. Que ce qui t'a atteint devait t'atteindre, ce qui ne t'a pas atteint ne devait pas t'atteindre. Et après cela, justement, tu n'as aucun regret. Quand tu as fait les causes à l'avance, quoi qu'il arrive par la suite, tu n'as pas de regret. Tu dis, qaddarallahu ma sha'a fa'al, ça devait m'arriver. Moi, j'ai fait les causes à l'avance, je me suis préparé. Après, c'est passé telle et telle chose. Donc, tu arrives à assumer. Mais celui qui ne fait pas preuve de cela, tu le vois, il se lamente, il s'afflige et il tombe dans les mahzourat. Comme a dit Allah Azza wa Jal, ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَ وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Que ce qui n'a rien atteint comme calamité, si ce n'est pas la permission d'Allah. C'est-à-dire ce qui est arrivé, c'est qu'Allah il a voulu. Celui qui croit en Allah, il guide son cœur. Et que Allah, il s'en de toutes choses. Al-Taraboun, verset 11. Et ceux qui ont impliqué cela, c'est Usul qui vient de citer le shir, ordent vraiment qui kalb al-ubudiyya. Yani, musta'inina billah, ne muwakilina alayhi, min al-lazina anamallahu alayhim. Les gens dont Allah a assemblé dans sa parole, dans la Fatiha, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ils ont fait quoi, eux? L'adoration. Avec l'ikhlas et l'isti'ana. Faqulullah azza wa jal, wa'budu wa tawakkal alayhi. Adore-le et remets-toi à lui. Surat Hud, verset 123. Waqala azza wa jal, wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkalt wa ilayhi unib. Que mon succès ne vient que par Allah, c'est tout. C'est à lui que je me remets seul, c'est vers lui que je reviens seul. Surat Hud, 88. Donc la bud min amal bi hadhihi al-usul al-arba' fi jami' al-a'mal wa fi kulli hal. Je te prépare à l'avance psychologiquement et point de vue humain pour les zalika. Pour ne pas tomber dans bab al-nadama fi ma ba'd. Thumma ba'da dhalika qala faslun. Et là, il veut par là faire un rod aux soufiyas, ceux qui ont délaissé les actes. Il dit, وَنَّا سُفِيَدَ الْمَقَامِ مَقَامِ الشَّرَى وَالْقَدَرِ أَرْبَعَةُ وَاقْسَمِ. Que par rapport à cette situation qui est liée au qadar et au char, ce sont les quatre catégories. الأول, le premier, ceux qui ont fait un tahqiq, qui ont concrétisé ces quatre usul. Comme une cité. Les quatre, ils ont réalisé. Eux sont les croyants. Purement, les vrais. ثُمَّ قَالَ الثَّانِي مَنْ فَاتَهُمَ التَّحْقِيقِ فِي أَصْلَيْ الْقَدَرِ. Ceux qui n'ont pas pu concrétiser les deux bases prises dans le qadar. Donc eux, ils ont des ibadas, ils ont de l'istiqama, مثلاً. Mais cependant, ils n'ont pas de courage dans l'isti'ana billah et dans le sabr. Ils ne patientent pas là-dessus. Et ni dans ces ahkam shar'iyya et kouniyya. Donc tu les vois lors des œuvres, ils sont atteints d'incapacité et de paresse qui leur empêche d'accomplir l'acte comme il se doit. Et par la suite, une fois qu'ils ont fait leur acte, ils sont pris de ujb et de fakhr. Tu les vois, ils se vantent de ce qu'ils ont fait. Ils sont heureux de ce qu'ils ont fait. Maintenant, on ne dit pas que lorsque tu fais un acte de bien, tu ne dois pas être content de ce que tu as fait. Mais tu n'as pas de ujb. Il y a déjà binefsik, c'est-à-dire tu crois que ce que tu as fait, c'est par toi. Non, c'est Allah qui te l'a accordé de le faire. Comme on l'a dit dans l'ayah, وَمَا تُوْفِقِ إِلَى بِاللَّهِ. Ce qui ne m'a été accordé comme tawfiq, ce n'est que de Allah. Quand tu fais une œuvre, c'est que c'est Allah qui t'a accordé le tawfiq de la faire. Et s'il veut, tu ne la fais pas. كذلك. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثِ مَنْ فَاتَهُمْ التَّحْقِيقِ فِي أَصْلَيْ الشَّرَى. Ceux qui, eux, n'ont pas pu concrétiser les deux fondements dans le char qu'on a pris après. Eux, ils sont faibles dans l'istiqama, dans l'application des ordres, dans le suivi de sa sharia. Cependant, ils ont une courroie dans le sti'ana, dans le tawakkul. Mais cependant, ils le font dans les choses que Allah n'aime pas. Cette chose-là, ils le placent dans les choses que Allah n'aime pas. Ils s'engagent dans des choses. Tu les vois motivés dans beaucoup d'actes qu'ils font. Mais ce que l'acte qu'ils font, n'est pas une chose que Allah s'entend là, il veut. Tu vois beaucoup de gens faire ça. S'engager dans des choses, être militant pour des choses. Mais ces choses-là ne sont pas des choses que Allah il aime. C'est pas des choses que Allah il aime. Par exemple, chez l'Ikhwan, tu vois, ils veulent faire plein de choses qu'ils voient comme étant bien. Et la façon dont ils s'y prennent et leurs objectifs ne sont pas louables. Et tu les vois, ils sont motivés, mouchtahidou, dans ce qu'ils font. Mais malgré cela, natija fa'ashila. Après, il dit, وَالْكِسْمَ رَابِعْ مَنْ فَاتَهُمْ تَحْقِيقْ أَصْلَيْ الشَّرْ وَأَصْلَيْ الْقَدَرْ. Ceux qui ont tout perdu. Les deux asl du char et les deux du qadar. Eux, ils n'ont pas d'ibada, ils n'ont pas d'isti'ana. Ils sont moustakbiroun. Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se passent de leur khaliq par leur propre personne. Ils se disent, j'ai pas besoin de faire tout cela. Comme ceux de les soufis qui disent, moi j'atteins le stade de la yaqin, j'ai plus besoin de faire ceci ou cela. Ça c'est pour vous seulement. Et là, ces gens-là sont tombés dans le kufr et sont des aoulés de shaitan. Wali'azubillah. Et ils font des choses que des gens s'imaginent comme étant des karamat, comme on avait parlé dans Tawfiq Al-Ertikad, et en réalité, ce sont des amels du shaitan avec eux, pour égarer les gens. Thumma kammala bil fasl fi al-mufadala wal-mukarana bina arbab al-bida'. Maintenant, il va montrer les différences qu'il y a, en résumé, ou les similitudes qu'il y a entre les gens de la bida'a, les têtes de la bida'a. Que certains sont pires que d'autres dans certains bèbes, ou certains sont meilleurs que d'autres dans certains bèbes. Par rapport à ce qui est au kitab. Pas tout est firak, bien évidemment. Quand on a nuzzar al-mutakallimin al-lazina yadda'ouna al-tahqiq ou yindasibouna al-sunna yara'ouna al-tawhid ibaratan an tahqiq tawhid al-rububiyya. وتوائف من أهل التصوف الذين ينتصبون للتحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية. Donc il parle des mutakallimin qui eux prétendent appeler au tawhid et se prétendent apparenter à la sunnah. Et pour le tawhid c'est quoi? Tahqiq al-rububiyya. Et des soufis pareils qui prétendent avoir connu la chose pleinement, pour eux le tawhid c'est tawhid al-rububiyya. Et ça, on l'a connu, c'est la chose que les mouchrikoun avaient reconnue. Et que le musulman, ou plutôt la personne n'est pas musulman, par ce simple tawhid. Fadlan an yakuna, fadlan an yakuna waliyan. Donc, que dire que c'est un wali, cet homme-là. Ce n'est même pas un musulman, alors que dire que c'est un wali. Après, il dit qu'il y a une taïfa ukhra, un autre groupe, qui ont reconnu ce tawhid, mais ils ont renié les sifat. Donc, ils sont tombés dans quoi? Dans le ta'til, dans le taksir. Et ça, c'est pire que beaucoup de hal de beaucoup de mouchriquins. Car eux, les mouchriquins, ne sont pas arrivés à ce stade-là, dans ces abouab-là. Ça veut dire qu'eux, ils ont... Là, ils ne précisent pas que le tawhid, ils parlent. Je crois qu'ils parlent du tawhid de l'oboubiya. Que le tawhid de l'oboubiya, ils l'ont reconnu. Et en plus de cela, ils ont fait quoi? Tombe dans le tartil, dans le sifat, à ce moment sifat. Donc eux, le hal est pire que des mouchriquins. Il dit, مثلاً, Al-Jahm ibn Safwan, qui est l'imam de Jahmiya, est parmi les exagérateurs qui ont renié les sifat. Et également, il a exagéré dans le qadha et le qadar. Le qadha, c'est quoi? C'est la chose qui arrive. Et le qadar, c'est cette chose-là avant qu'elle n'arrive. Al-Qadha, c'est la chose lorsqu'elle arrive. Ou Al-Qadar, c'est cette chose-là avant qu'elle n'arrive. Donc, Al-Jahm, lui, voit le rôle de Al-Jibriya. C'est quoi Al-Jibriya? C'est une secte dans les Qadariyas qui disent que le Abd n'a aucun ébarit. Il est comme une marionnette. Ce qu'il fait, il ne fait pas de lui-même. Les actes qu'il commet, Raïzalika, ce n'est pas de lui-même que ça arrive. Et ce Jahm également, dans Bab al-Iman, c'est un Mourji. C'est un Mourji, car pour lui, celui qui fait des Kabira, ou des Kabair, ça reste un Mu'min avec une foi parfaite, qui ne mérite pas de châtiment. Pourquoi? Car ce qu'il fait, il a été contraint de le faire, ce n'est pas lui-même qui l'a fait. Demain, il fait zina, il boit de l'alcool, il fait tel et tel acte, il tue sans droit à Réalizadika. Son iman, il est kamil, mis iman Jibril, ou Abi Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Après, il parle de al-Najariya, qui sont les adbars de Hussein ibn Muhammad al-Najjar. Ou al-Darrariya, qui sont les adbars de Darar, ibn Amr, ou Hafs al-Fard. Eux, ils se rapprochent de Jahm dans les sujets du Qadar et de l'iman. Et également, ils se rapprochent de lui dans le bab des sifat. Eux, ils sont proches de lui. Dans l'aqida, dans ce qui touche al-iman, au qadar et au sifat. Thumma dhakara al-kullabiyya. Kullabiyya, ils sont les adbars de Abdullah ibn Saïd ibn Kullab. Ou les ash'ariya. Ash'ariya, c'est à qui? C'est qui? Ou du moins, qui était le fondateur de cette secte avant qu'il ne s'en repente? Ismail Abul Hassan al-Ash'ari. Naam. Ils disent que ces gens-là, al-kullabiyya et l'ash'ariya, sont meilleur que les précédents dans quel bab? Bab al-sifat. Car eux, ils ont affirmé les sifat, l'aqliya, Et leurs imams affirment les sifat et khabariya dans leur ensemble. Par contre, dans les masail du qadar et de asma et des ahkam, leurs paroles sont proches des jahmiyyah et des autres. En fait, ils vont se joindre dans des choses et se différencier dans d'autres. Certains dans ces points différents seront pires que d'autres, ou d'autres sont meilleurs que d'autres, ainsi de suite. Ils ont des bases communes et après des différences. Et après ces différences-là, certains d'entre eux sont plus graves que d'autres. C'est ça qu'il veut faire comprendre, en fait. Après, il dit Al-Karramiyah, qui sont les adbars de Mohammed ibn Karram, eux, dans Al-Sifat, dans le Qadar, dans le Wa'd al-Wa'id, quand on dit le Wa'd al-Wa'id, c'est la promesse du Jannah ou du feu, Ashbah bin Aksar Tawaif al-Kalam, Al-Latif Yaqwaliya, Mukhalafat al-Sunnah, qui ressemble beaucoup au genre du Kalam, dans les aqwal qui s'opposent à la sunna. Et dans le iman, ils ont un call qui est munkar jiddan, sans précédent. Pour eux, l'iman, c'est le fait de le prononcer par la langue, seulement. Même si dans ton cœur, tu n'y crois pas. Donc pour eux, ça veut dire quoi? Les munafiqoun, ce sont des mu'minoun. Pour eux, tu prononces par ta langue, khalas, t'es un mu'min. Après, on a pris les mu'tazila, qui sont les adbars de Wasil, Ibn Atta, Al-Lazi Atazala Majis Al-Hassan, Al-Basri. Eux, leur parole est proche de parole de Jahm dans les Sifat, Mu'tazila. Ils sont proches des Jahmiya, car eux, ils renouent les Sifat également. Par contre, dans le Qadar, et dans les Asma, dans les Arkham, ils ne sont pas comme eux. Eux, ils voient que dans le Qadar, Mathalan, les Mu'tazila, que le Abd, il est indépendant de tout ce qu'il fait, il le crée lui-même. C'est le contraire de Jibriya. Ça veut dire qu'il a un libre arbitre total, voire même un potentiel de création. Ce qu'il fait, ça ne vient pas d'Allah, ça vient de lui-même. C'est-à-dire que pour eux, c'est une forme de shirk, car là-bas, c'est Allah qui crée les actes. Donc ils ont fait que le abd crée ses propres actes. Alors que Jam, qu'est-ce qu'il dit lui? Que le abd, il est moujbar, ça veut dire il est contraint de faire ce qu'il fait, malgré lui. Et dans les asma, dans les arkham, les mu'tazila, ils disent que celui qui commet les grands actes, les grands péchés à fouen, sort de l'iman. C'est ni un mu'min, ni un kafir. Il est entre les manzilatayn. Tamam. Mais par contre, il sera mukhallad finnar, après la mort. Il sera au feu éternellement. C'est le col des khawarij. Alors que Jam, lui, qu'est-ce qu'il dit? Dans l'Iman, il dit que le mu'min qui fait Kabira, lui, il reste Kamil al-Iman. Il a une foi parfaite. Comme celle d'Abou Bakr Siddiq, comme celle de Jibril, comme on l'a dit au début. Donc, dans l'Iman, c'est pas pareil. Entre le Kufr et l'Iman. Directement. Eux disent non. Donc, on dit quoi? Que les Mu'tazila sont meilleurs que les Jahmiya dans ce à quoi ils sont opposés à eux, dans le Qadar, et dans les Asma et les Arkham. Pourquoi? Car il dit que le fait d'affirmer le Amr et le Nahi, et le Wa'd et le Wa'id, et de renier le Qadar, cela est meilleur que d'affirmer le Qadar, tout en reniant le Amr et le Nahi, et le Wa'd et le Wa'id. Car cela n'avait pas lieu à l'époque des Sahaba et des Tabi'in. Quelqu'un qui reniait le Amr ou le Nahi, ou le Wa'd ou le Wa'id. Alors que dans leur époque, on a trouvé des gens qui reniaient le Qadar. Et également, il y avait les Khawarij et les Hururiya. C'est-à-dire qu'en fait, les Bida', comme il explique, plus les gens s'éloignent de l'époque des Sahaba et des Salaf, plus leurs Bida' sont pires. Elles deviennent de plus en plus graves. Et certaines bida qui ont été trouvées à l'époque des Sahaba sont de moindre mal que celles qui sont venues par la suite. Que les gens, c'est-à-dire des premiers, avaient un char qui était moins grave que les gens de la suite. Même dans le shirk, les mouchikoun d'aujourd'hui sont pires que ceux d'avant. Avant, comme dans Soul Arba, qu'avant, lors de l'aisance, ils faisaient du shirk, lors de la détresse, ils étaient moukhlessin. Aujourd'hui, il y a une aisance ou difficulté ou quoi, ils sont mouchrikoun. Et avant, ils faisaient du shirk avec des choses qui ne faisaient pas de mal en soi. Des pierres, ou c'était avec des malaïkas, ou des NBA, ou des gens pieux. Aujourd'hui, on prend des gros fujars. Donc aujourd'hui, les mouchikoun d'aujourd'hui sont pires encore. Et parmi les choses qui sont pires encore, aujourd'hui, ça prend en islam. Alors qu'avant, ils disaient, moi je dis pas Allah illallah. Aujourd'hui, ils disent, moi je dis la ilaha illallah, je dis Muhammad Rasulullah. Je fais la salat, je fais le hajj. Malgré cela, il invoque un fa agir qui n'est pas la salat. Et yasta'in bi, yasta'is bi, yasta'is bi. Donc, eux, ils sont pires encore. Donc, tout ce tawaif qu'il a cité là maintenant, عندها من الظلال والبدع بقدر ما فرقت به جماعة المسلمين وسنتهم ودين الله تعالى ما بعث به رسلا وانزل به كتبا وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه خير الأمة التي هي خير الأمم. Donc tous ces gens-là sont posés la voie droite par laquelle sont venus les messagers عليهم السلام. Je ne sais pas quoi sont descendus les كتب qui est le chemin مستقيم, la voie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, de ses compagnons, qui est la meilleure. Les compagnons sont la meilleure de cette umma, et cette umma est la meilleure des umams, des autres communautés précédentes. وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ نَقُولَ فِي صَلَاتِنَا اِهْدِنَا صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Chose que Allah nous a ordonné de dire dans la salat, Al-Fatiha, qui est un rokn de la salat, tout le temps. Que là, il nous guide sur le chemin droit, le chemin de ceux qui l'accomplissent de bienfaits, et non pas de ceux qui ont couru sa colère. Ou al-Mardoub alayhim, qui sont-ils? Al-Yahoud. Car ils ont connu la vérité, ne l'ont pas suivi. Il-Dhalloun, qui sont-ils? Nasara. Car eux, ils ont adoré Allah sans science. Donc ils se sont perdus. Qala wa kana yuqal. تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعبد الجاهل. Car on le dit, cette phrase qui est connue, de chercher refuge auprès d'Allah de la fitna du savant corrompu, débauché, et de du dévot ignorant. Ce qui te demande quoi? Qu'un savant peut avoir du mal, faire du mal. Et le abid, ce qui dit ibadat, peut être un jahil. Wa qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan bi yadihi, thumma qala hadha sabilullah mustaqima. Dans le hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une ligne au sol. Il a dit ça, c'est le sens d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est droit. Wa khatta an yamini wa shimalihi. ثم قال هذه السبل ليس منها السبيل الا عليه شيطان يدعو اليه. Après, il a fait des lignes adjacentes en disant, et ces sentiers là sont des sentiers auxquels, au bout de chaque sentier, se trouve un shaitan qui appelle à lui. ثم قرا وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et dit, voici donc mon chemin droit, suivez-le, ne suivez pas les sentiers, car cela vous éloignerait de mon sentier, ou plutôt de ce sentier. Surat al-An'am, verset 153. Pour te dire que le chemin est droit, il est un seul. Et tout ce qui va à côté, c'est des voies de l'égarement. Wa qala Huzayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, ya ma'shar al-qurra, istaqimu wa khudhu tariq man qablakum, fa wallahi la in ittaba'tumuhum laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Quand ils se baqtum, sabqan ba'ida. Wa alayna khastum yaminan wa shimala, taqad daraltum dalalan ba'ida. Il dit, où marchaient les Qurra? Les Qurra sont ceux qui lisent le Coran, c'était les ulama. Tenez-vous droit et prenez la voie de ceux qui étaient avant vous. Par contre, si on prend à droite et à gauche, comme ça, on va s'égarer d'un égarement évident et lointain. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, mu'iza azima, qu'il faut appliquer. Man kana minkum mustannan falyastan biman qad mat. Fa inna al-hayy la yutaman 'alayhi al-fitnah. Ulaika ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abra hadhihi al-umma quluban wa a'maquha 'ilma wa aqalluha takallufa. قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على هدى المستقيم qu'il a dit que celui d'entre vous qui doit prendre une sunna, il prend la sunna de ceux qui sont déjà morts. Car le vivant, on n'est pas à l'abri de la fitna pour lui. Et ceux-là sont les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient les cœurs les plus innocents, et le plus d'œuvres, et le moins de surcharge, c'est-à-dire takalluf, de se forcer à faire des choses qu'on n'aura pas imposées. Et Allah les a choisis pour accompagner son messager sallallahu alayhi wa sallam, et pour appliquer sa religion. Donc rendez-leur leurs droits aux sahaba, et accrochez-vous à leur guidée, car ils étaient seuls sur une guidée droite. وبهذا ختم كتابه هذا par cette bonne nasiha qui t'appelle à quoi? À suivre la voie des salaf, à compréhension des sahaba radiallahu anhum. فقال نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ولا يزيع قلوبنا بعد إذ هدانا. Demandons à Allah qu'il nous mette parmi ces gens-là, c'est-à-dire qui ont suivi les sahaba, qui ont suivi leur voie, et qu'il n'égare pas nos cœurs après les avoir guidés. والحمد لله رب العالمين. Donc là, on a fini ce dernier ders qui était lié à Takrib et Tadmouriya, dans ce qui était principalement lié au Sifat et au Asma, et au Qadar et au Shara. Naam, Kitab Moufid, il y a des passages qui m'ont été un peu difficiles à retransmettre. Certains passages, on les a résumés pour ne pas allonger le ders. Le livre lui-même, il n'est pas trop long en arabe, mais alhamdoulilah. Et le Mouhim, qu'on a compris beaucoup de usul à avoir dans les asma sifat, comment répliquer le mu'abtila au jour du ta'til, et les choses à connaître par rapport au qadar. Moi, les alika. Fabien, le qadr n'a que ta fille, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.